Septembre Rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Cinquième épisode. Previously, dans Septembre Rouge. Les intrigues autour du prix Goncourt n'ont pas empêché Stanislas Norvid de rester le favori à quelques minutes de l'annonce du résultat chez Drouan. En attendant que le voile se lève sur le nom du lauréat, il s'est installé avec une partie de l'équipe des éditions du Bac dans un restaurant en face de chez Drouan. Ne vous inquiétez pas, Julien. Il aurait dû m'appeler. Il m'appelle toujours une demi-heure avant pour me dire. Même quand c'est pas bon, il m'appelle. Pff, c'est n'importe quoi cette année. Déjà avec leur première liste annulée, vous avez vu? À mon avis, ça doit chauffer. D'ici à ce que les Gallimard nous aient fait un coup de Trafalgar. Ah bah non, c'est pas le mien. Bah, c'est le vôtre, Stanislas. Ah, c'est ma mère. Bah, répondez, Stan, répondez-lui. Tac, maman. C'est votre nièce? Bah ouais, on attend. Bah non, mais je devrais appeler, maman. Bah, parce qu'ils sont toujours en train de voter, quoi. Bah, il peut y avoir 10, 15 tours, je sais pas. Bah, en principe, c'est sûr, oui. Ouais. Bah, enfin, ce matin, c'était sûr. Bon, bah, tant qu'ils nous ont pas appelés. Hein. Quoi, cruel? Cruel, mais non, il y a pire, non, quand même. Hein. Nous, on le sait avant, oui. Bah oui, parce qu'il nous appelle avant, voilà, une demi-heure avant, un quart d'heure avant, ça dépend, ça, je sais pas, on sait pas, on attend, quoi, hein. Oui, c'est pour ça que nous sommes devant le restaurant, non, pas dans le restaurant, vraiment, en face, un autre restaurant, vraiment, oh ouais, on en est sûr, ouais, mais bon, c'est pas encore fait, quoi. Il y a d'un côté la vérité, et de l'autre côté, le réel, ce sont deux choses différentes. Oui, allez, fais pas ça, on ne peut pas comprendre, non. Ah, non, je sais pas quelle chaîne, non. Liliane, quelle chaîne? France 2 et TF1, mais TF1, c'est plus sûr. Ouais, je vais la tuer, elle se prend pour une maman juive depuis qu'on a quitté la Pologne. Mets-toi sur TF1, maman, TF1. Je comprends pas ce qui se passe. Non, non, ça, je te promets qu'ils vont pas le donner à Babankou. Ça, on le sait, ça. Hein? Non, ça a rien à voir. Hein? Non, mais t'es complètement folle. Elle a rêvé qu'il le donnait à Angou. Ah, t'as réussi à nous faire rire, maman. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Ah oui, c'est entre Eddie Cadou et moi. Ouais. On croit rêver, non? Cadou en face de Norvid. Cadou, non, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai plus, le prof. Là. Ouais. Hein? C'est un cadeau, Cadou. Ah. Oh. Non. J'adore ta mère. Au pire, il reste le Renaudot. Pourquoi vous dites ça, Julien? Arrêtez. Ben pourquoi? C'est très bien, le Renaudot. Votre mère sait que vous êtes aussi sur le Renaudot. Mais non! On a le Goncourt, point barre. On l'a, Madame Norvid, ne vous en faites pas. Bon, allez, je raccroche, j'en ai marre. Il n'ose pas m'annoncer le coup. Taisez-vous, Julien. Nom d'un chien, vous allez finir par... Oh, c'est mon 42e Goncourt et c'est comme la première fois. La même impression que je vais faire pipi dans ma culotte. Et vous, Liliane, pour votre premier Goncourt, comment vous vivez ça? C'est très impressionnant. Je serais tellement triste s'il arrivait un malheur. Eh ben moi, vous voyez, moi, je me sens étrangement serein. Je sais pas pourquoi. Je me suis demandé ce que j'allais déclarer au cas où, qui j'allais devoir remercier, etc. Mais en fait, si on réfléchit un peu, c'est aux lauréats qu'on devrait accorder les remerciements, non? Eh ouais, ces messieurs dames du Goncourt, là, ils devraient venir remercier leur édile, de leur permettre de se sentir utiles, généreux, importants. Parce que pourquoi est-ce qu'on est jury d'un prix littéraire? Pour honorer un livre? Non. Pour le faire connaître du grand public. Oh là, non. On est juré pour obtenir la reconnaissance de ceux qu'on va couronner. Voilà pourquoi les jurés choisissent de préférence un jeune écrivain. Ils veulent assurer la plus longue vie possible à cette reconnaissance, là. Et si possible, une reconnaissance posthume. Ah, c'est lui. Voilà. Oui. Bernard, je t'écoute, oui. Peu faire. Pardon? Tu peux répéter, excuse-moi de... C'est peu faire le ciel de traîne. C'est sous un ciel de traîne. Hein? Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Peucher, mais c'est... Mais quoi? Mais ils n'ont pas le droit, il n'était pas sur la liste. Je les ai mystifiés, tous, de grands... grand art, je dois dire. Pas mécontent de moi. Ne me remercie pas, Julien, surtout. Hein. Non, mais je reste sans voix, Bernard. C'est une telle surprise. Comment ça s'est passé? C'est la démocratie, mon vieux. La démocratie, je n'arrivais pas à faire passer ton polonais, la Stanislas, machin chose. Norvide, Stanislas Norvide. Ah, trop. Enfin, pas si. J'avais trois jurés qui menaçaient de démissionner à cause du titre. Ah, le titre. Oh, et puis la scène du viol, hein, ça n'est pas passé. Ne partez pas. Stan, il y a le Renaudot, mais attends, rattrapez-le, Anne-Sophie. C'est ignoble, c'est scandaleux. Tout était bloqué. Alors j'ai eu l'idée, écoute-moi bien, Julien. Oui, oui, oui. J'ai eu l'idée géniale de suggérer à Debré de lancer le nom de Binet, le Grasset. Liliane, il faut appeler Jean-Pierre Pecher. Et du coup, Edmond, croyant le contrer parce qu'elle a une dent contre Régis en ce moment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on s'en fiche, mais du coup, elle a lancé le premier nom qui lui est venu à l'esprit, celui de Pecher. Et je savais qu'elle sortirait ce nom-là, pour la bonne raison que je ne lui ai parlé que de ça hier soir au téléphone. Je lui ai bourré le mou pendant une heure sur Pecher. Comme quoi c'était le vrai chef-d'œuvre de la rentrée. C'est vrai que c'est un livre formidable. Ah, oui, formidable. C'est difficile à expliquer, mais quand on lit ça, on est enveloppé dans une brume. Une brume chaude de connaissances. Cette brume qui est aussi celle des souvenirs, qui s'estompe. C'est comme le temps dans Proust. Cela n'existe pas et il n'y a rien d'autre. Enfin, bon, ta maison est sauvée, mon vieux. Une fois de plus, tu dois être soulagé. Oh, immensément, Bernard. Merci. Bah, c'est ton auteur qui vous remercie. C'est lui le talent. Il est dans le coin? Oui, enfin, c'est tellement imprévu. On est en train de le faire venir, là, bien sûr. Bah, grouillez-vous, les enfants. Moi, j'y vais. Mon quart d'heure annuel de célébrité. Oh, quelle drogue divine. Un livre qui n'est pas sur la liste. Oh, le spoons que ça va faire. Ça me réjouit. Merci, Bernard. Alors, Liliane, vous avez eu peu cher? J'ai laissé un message. Faut le rappeler, trouver sa ligne directe. Vous devriez le savoir, c'est votre auteur. Oui, excusez-moi, je le rappelle. Vous n'avez pas l'air content, monsieur Després. Ah, il nous a bien mis dans la merde, Bernard. Je se demandais s'il l'a fait exprès ou pas. Je suis désolée pour tout à l'heure, j'étais tellement heureuse pour Jean-Pierre Pecher. Mais soyez-le, vous avez le droit. Vous avez raison. Vous venez de réussir un coup magistral, Liliane, un coup dont je vous félicite. Mais j'y suis pour rien. Et tout est grâce à vous. Que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou pas, vous êtes la plus brillante, la plus géniale des attachés de presse. Et je vous interdis d'en douter. Maintenant, je vous explique ce qui se passe. Ce Goncourt n'arrange pas du tout nos affaires. Le bouquin de Stan se vendait bien, on en était à quoi, à combien? 30 000. Avec le Goncourt, on était assuré de faire 500 000. Là, le livre est mort. Mais le roman de Pecher va se vendre maintenant. Il est magnifique. Magnifiquement pas commercial, Liliane. Ah, très beau, je le sais, mais pas grand public du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais vous dire combien on va en sortir. 100 000, 150 000 à tout casser, et en l'arrosant de pub. Et après, c'est des retours de 50, 60, 80 000. Ce qui fait qu'on va rien gagner. Et on perd un auteur, le seul auteur rentable de la maison. Je suis désolée pour Stanislas Norvide. Oh, il n'y a pas de quoi. Il doit déjà être en train de signer chez Gallimard. Mais ce serait injuste, après tout ce que vous avez vu pour lui. Le pire, c'est que je vais devoir publier tous les livres de poésie de Jean-Pierre Pecher jusqu'à la fin des temps avec des avances à 6 chiffres. J'envisageais pas les choses sous cet angle. C'est une très belle journée pour vous, Liliane. Mais pour la maison, c'est une catastrophe. Ah, Anne-Sophie, vous voilà. Alors, ce Renaudot? C'est Hugo. Forcément. Si les Goncourt avaient pris le Cadour, ils auraient pris Stan, mais ils ne pouvaient pas donner les deux prix aux éditions du Bac. Dixit Gisbert. Ah, quel pourri celui-là. Je croyais qu'il donnait des prix aux livres, pas aux éditeurs. Vous le connaissez? Oh, trop bien. Il faut que vous vous occupiez de Jean-Pierre Pecher maintenant. Ah non, Julien, c'est fini pour moi. Là, c'est la goutte. Je n'en peux plus de ce métier de merde. Anne-Sophie. Non, j'ai 67 ans, je suis au bout du rouleau. C'est écœurant ce qui vient de Arrêtez, se passer. Anne-Sophie. C'est à se flinguer. Non. Je me casse. C'est fini. Non, Anne-Sophie. C'est Jean-Pierre Pecher. Ah, passez-le-moi. Oui, Jean-Pierre. Ah bah, félicitations, mon vieux. Bah quoi, t'es pas au courant? Il sait rien. Mais c'est toi. Tu as le Goncourt. Mais Si Pivot va l'annoncer dans 5 minutes, t'es où là? Bah, tu prends un taxi et tu viens tout de suite nous rejoindre chez Drouan. Place Gaillon, voyons. Non, rue Gaillon, il n'y a pas de place Gaillon, c'est 16 rue Gaillon. Ah bon, c'est pas une place? 16 rue Gaillon, tu notes, hein, Jean-Pierre? Dans le deuxième. Dans le deuxième arrondissement. Oui, on t'attend. On réglera le taxi à ton arrivée, t'en fais pas. Il a même pas 20 euros sur lui. Tu écouteras l'annonce à la radio, dans le taxi, tu grouilles, hein. On est tous très contents pour toi, Jean-Pierre, après toutes ces années. Ah, mais c'est chouette. Ah, je suis fier, oui. Mais surtout, très heureux. Il y a Liliane en face de moi, elle est émue aux larmes. Bravo, Jean-Pierre. Ah, c'est un grand moment. Mais il s'est passé que ton livre est le meilleur, c'est tout. Je te l'avais dit, tu es un grand écrivain et tu as écrit un grand roman et le jury l'a reconnu. Mais non, il n'y a pas de... Oh non, je... Oh, quel emmerdeur. J'y suis pour rien du tout. Tu le dois à toi-même, Jean-Pierre. Rien qu'à toi et à ton roman. Arrête avec cette modestie maintenant, hein, c'est fini. Tu es l'écrivain de l'année, alors c'est fini, la comédie de l'humiliation perpétuelle. Une nouvelle vie commence. Il va falloir assumer, je compte sur toi. T'as intérêt à te montrer à la hauteur de ce qui t'arrive. En un mot, fini la belle vie d'auteur marginal. Salon, signature, déplacement, province, train, rencontre avec les libraires, conférences dans les collèges, interview, photo, plateau télé, l'esclavage, Jean-Pierre. Et t'es où, là? Mais on s'en fiche, cravate, pas cravate, c'est toi qui compte, Jean-Pierre. Allez. Il mord pile. Ça y est, c'était le plus délicieux des hommes, et voilà. Ce que je viens de dire vaut aussi pour vous, Liliane. Vous allez devoir vous montrer à la hauteur de votre nouveau job. Vous allez le suivre partout et ça ne sera pas une sinécure. C'est un homme passionnant. Mais je suis inquiète pour Anne-Sophie. Oh, laissez ça. Vous l'avez entendu, elle a raison. Elle a fait son temps. D'ailleurs, son histoire de pseudonyme, c'est grotesque. Vous vous appelez Sidonie et vous êtes la cousine de qui vous êtes la cousine. Ça suffit, ces enfantillages. S'il vous plaît. Le prix Goncourt 2015 a été décerné à Jean-Pierre Peucher pour son roman « Sous un ciel de trêve » paru aux éditions du Bac. C'est qui Peucher? C'est n'importe quoi. Putain. Schopenhauer, putain. Tu connais Schopenhauer? Il disait... L'étude de la science du beau n'a pas encore produit un seul artiste, pas plus que l'étude de la morale n'a produit un homme honnête. Eh bien, s'il était encore de ce monde, il aurait pu ajouter que la présentation des livres à la télé, ça n'a pas encore produit un seul écrivain. Calme-toi, Stan. Calme-toi, je suis calme, prie. Je suis calme. Je suis parfaitement serein, tu vois. C'est dur, c'est injuste, mais dis-toi que tu sortiras grandi de cette épreuve. Quoi? Une épreuve, ça? Mais non, mais c'est rien du tout, ça. C'est bon, tu vois, Maria... Avant, il y avait une tradition au Goncourt. Les jurés tiraient leur légitimité de leurs écrits. C'était des écrivains, tu vois. Là, mais qui c'est ces gens-là? Tu parles de Pivot? Mais tous, là, c'est des vieillards. Là. Des corrompus, surtout. Non, tu comprends rien. Ils sont honnêtes, c'est ça le pire. C'est des vieillards vertueux. Au moins, avant, ils étaient corrompus. On pouvait les manipuler, donc les empêcher de faire n'importe quoi. Mais maintenant qu'ils sont libres, qu'ils sont indépendants, c'est le règne de la médiocrité honnête, là. La bêtise, mais irréprochable. C'est des crétins intègres. Racistes, machistes, homophobes. Ouais, on s'en fout de tout ça. Surtout, ils sont conformistes. Ils sont tellement conformistes. On va partir en vacances, hein. Comme tu l'avais promis. Loin. Je te ferai visiter mon île, Stan. Le sable fin, la mer bleue, les cocotiers. On les oublie. Ils n'ont rien compris à ton livre. Ah ben non, justement, ils ont tout compris à mon livre. Ils ont très bien vu à quel point je les méprisais. Là. Chacune de mes phrases, c'est une insulte à leur médiocrité. Et ça, ils l'ont vu, ça. Parce que le pire de toute cette affaire, c'est qu'ils lisent les livres, contrairement à ce qu'on croit. Ils les lisent, et malheureusement. Avant, ils ne les lisaient pas. Ils les reniflaient, ils se fiaient à leur instinct. Là. Mais aujourd'hui, là, ces vieilles mères, elles sont consciencieuses. Là. Ils lisent et ils ont compris que c'était eux ou moi. Ils ne représentent rien, Stan. La vraie littérature, c'est toi. Et Julien qui fait son étonné là. Oh, Bernard, hein, mon Bernard, je reste sans voix, connard, là, lui aussi, là. Change, tu t'en fiches, tu changes d'éditeur. C'est fini, les éditions du Bac. Tu seras très bien chez Gallimard. Tu vas en vendre 3 fois plus. T'en as toujours rêvé de la collection Blanche à vous. C'est un mal pour un bien, cette histoire. Gallimard? Veux-tu que j'appelle Antoine? Non, c'est à lui de le faire. Les lecteurs, tu sais, les vrais amateurs de littérature, les connaisseurs, ils sont contre-fiches du Goncourt. Ils n'ont pas acheté ton livre pour ça. Ils t'ont pas écrit des centaines de lettres pour te parler du Goncourt. Mais comment ils ont pu me faire ça, putain? Et l'autre qui dit que c'est à cause du titre, là. Je t'en foutrais du titre, connard. Va. Qu'est-ce qu'il a, mon titre, là? Il te pisse au cul, mon titre. Voilà comment il s'appellera le prochain. Je te pisse au cul. Je vous pisse au cul à tous. Chez Gallimard. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je l'avais mise au frais pour faire la fête. On va quand même la boire. Putain, mais t'es pas dingue, toi. On va faire des choses ensemble. Allez. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes, là, l'île Maurice? La vraie littérature, là, faire des choses formidables. Bon, t'as pas d'autres conneries à sortir, là? Ne me parle pas comme ça, Stan. Je te parle comme je veux, connasse. Mais non, t'es malheureux, humilié, ça te donne pas le droit. Ben si, j'ai tous les droits, moi, tu vois. Je suis écrivain, toi t'es pas écrivain, toi. Toi t'es rien, toi. Toi t'auras le Goncourt, toi, parce que t'es nul. T'es pas gentil, Stan. Ah ouais, la gentillesse, maintenant. Putain, je me casse, sinon je vais t'en mettre une terre autour de table. Reste, Stan, je t'en prie. C'est quoi, là, ton cirque à la con, là? Tu me fais peur, là. Sors pas dans un état pareil. Quoi, quel état? Mais viens, écoute, Stan. Stan, je t'aime, mon chéri. Et lâche-moi, putain! On entend alors une gifle, suivie de l'écroulement de Maria, qui entraîne dans sa chute table et couvert, bouteille de champagne, chaise et lampadaire, en poussant un cri. Il s'ensuit un silence terrible. Hé, hé, oh, hé. Hé, Maria, lève-toi. Lève-toi maintenant. Oh putain, ça saigne. Oh nom de Dieu, ça saigne. Oh, c'est pas vrai. Hé, hey, allô, allô. Hé, hé. Oh non, c'est pas possible. Pas ça, putain, pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive, bordel? C'est pas possible. Je suis foutu, là. Je suis foutu. Il pousse un cri de bête dans lequel on reconnaît le nom de sa mère, en polonais. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Trois ans plus tard, septembre s'avance. C'est la rentrée littéraire. L'écrivain Stanislas Norvid est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Stanislas Norvid. Bonjour Léa Salamé. Stanislas Norvid, vous sortez de prison après 3 ans et demi de détention. Non, 3 ans et 9 mois. Pour coups et blessures sur la personne de votre compagne de l'époque, l'écrivain Maria Mellet. Non, ce n'était pas ma compagne. Et vous sortez en même temps aux éditions du BAC ce livre, Septembre Rouge, un roman, enfin, si on peut appeler ça un roman. Est-ce qu'on peut appeler ça un roman, Stanislas Norvid? Parce que vous racontez les faits tels que vous les avez vécus. Alors ça, comme vous dites, c'est un roman, ouais. Mais bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, une merde, un scandale, un chef-d'œuvre, un récit autobiographique, une entreprise de réhabilitation, j'ai déjà tout entendu, alors allez-y. Vous accusez Bernard Pivot et les membres du Goncourt d'être responsables de ce qui s'est passé. Alors je rappelle les faits, 1 heure après l'annonce du prix Goncourt à Jean-Pierre Peuchère, vous êtes très énervé, alors on le comprend, hein, parce que vous étiez le favori. Vous suivez Maria Mellet chez elle, elle essaie de vous consoler et ça vous énerve encore plus. Dites, vous êtes en train de réécrire mon livre là, Léa Salamé, hein? On sent que l'affaire, elle vous passionne, hein. Même, elle vous excite, non? Non, pas trop, non. Non, parce que vous frappez Maria Mellet, qui se fracture le crâne en tombant, vous la croyez morte, vous prenez la fuite. Ah, ouais, bah oui. Et il en arrive pas beaucoup des histoires comme ça aux écrivains, hein. C'est dommage, hein, parce que la plupart, ils écrivent des histoires chiantes parce que, justement, il leur arrive rien. Ils recrachent ce qui arrive aux autres, quoi. Alors moi, voilà, je viens de passer 3 ans et 9 mois en tôle et je raconte, mais tout, quoi. C'est pour ça que mon livre se vend. Il se vend parce qu'il intéresse les gens qui en ont marre des concours d'orthographe. Stanislas Norvid, n'y a-t-il pas de votre part une forme d'indécence à publier aujourd'hui un livre dont le personnage principal est une femme que vous avez failli tuer? C'est pas du tout le personnage principal, c'est un personnage très annexe. Moi je la connaissais à peine. Elle m'a sauté dessus, voilà, ça c'est la vérité. Ça. Vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble? Tu parles. Le geste, par contre, ça, c'est un accident, c'est la vie, quoi. C'est, toi, comme un accident de voiture. Voilà, tu conduis, t'es énervé, tu grilles un feu, puis bing, tu renverses une vieille, quoi. Voilà, c'est comme ça. Les prisons, elles sont pleines de malchanceux. Ça peut vous arriver à vous aussi, Léa Salamé. Le truc, c'est que là, hein, là, ça tombe sur un écrivain. Voilà. Alors, bon, bah, l'écrivain, il raconte. Hein, et il raconte pour de vrai. Là, c'est plus pareil. Là. C'est plus du journalisme. Là. C'est de la littérature qui casse tout, qui touche à l'os. 45 mois de tôle, merde. Sade, Genet, Solzhenitsyn, ça vous dit quelque chose? 45 mois que j'ai pas baisé Léa Salamé. Non mais la littérature a tous les droits selon vous? Bah oui, évidemment. La preuve, je suis indestructible. Vous me mettez en tôle, j'écris. Vous me volez le concours, j'écris. Vous m'invitez pour m'insulter, j'écris. Bon, toujours, bon, je crois j'écris. Qu'on va arrêter là, hein, parce que... attention là, non. Descendez d'autre chaise, monsieur Norvide. La littérature, elle est au-dessus descendez. De tout. Léa Salamé, elle est au-dessus de vous. Sécurité. Surpuissante. Sécurité. Elle vous écrasera tous. Du bac un peu plus tard. Stanislas et Anne-Sophie discutent autour d'un café croissant. Les téléphones sonnent, les noms d'oiseaux fusent. C'est la rentrée. Génial, Stan. Tu as été génial. Tu as mis le feu. Ça tweet dans tous les sens, la terre entière se déchire. Oh, quel coup! Ah ça, tu l'as secoué la matinale de Patrick Cohen. La colère, la révolte, les insultes aux jurés. Ouais, c'était bien. Mais du grand art, Stan. Du very big grand art. I love you. Je t'admire et je t'adore. En fait, j'aurais dû être comédien, tu vois. C'est tellement plus marrant que d'écrire. En fait, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit. Tu vois, genre Al Pacino. Ouais. Les comédiens sont les maîtres du monde, nous ne sommes que leurs serviteurs, leurs scribes au mieux. Et t'as vu la tête de Salamé quand je lui ai sorti que j'étais indestructible, hein? On aurait dit qu'elle me croyait. Mais elle te croyait, Stan. Elle te croyait parce que c'est la vérité. Tu es indestructible parce que tu as écrit ce livre. Ce livre est absolument génial. Je n'ai jamais rien lu d'aussi fort. Bon, on le tire à 40 000, tu sais ça. 30 000 de mise en place, et ça n'est pour commencer. J'avais déjà des super retours, mais là, avec cette émission, je te dis pas, ça va être de la folie, de la folie. Et le titre s'appelait Septembre Rouge. Les gens sont dingues. Septembre Rouge, ça trotte dans la tête, tu t'en défais pas d'un titre pareil. C'est comme le rouge et le noir, le petit chaperon rouge. Dis donc, à propos de chaperon rouge, Anne-Sophie, vous avez recruté une petite jeune à la presse. Comment elle s'appelle? Amandine Lang. Ah bon? Et c'est de la famille de... C'est la petite nièce de Jack Lang. Mais on va lui donner un pseudo pour lui éviter les ennuis. Amandine Lagnès, par exemple. Vendu. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Anne-Sophie. Je n'en peux plus de ce métier de merde. Christiane Coendi. Liliane Sidoni. J'envisageais pas les choses sous cet angle. Clémentine Verdier. Stanislas. Je vous pisse au cul à tous là. Non. Jérôme Kircher. Julien. Je reste sans voix, Bernard. Olivier Cruveillé. Bernard Pivot. Un livre qui n'est pas sur la liste. Jean-Gabriel Nordman. Léa Salamé. Est-ce qu'on peut appeler ça un roman, Stanislas Norvide? Andrea Brusque. Maria. C'est un mal pour un bien, cette histoire. Keren Marciano. Patrick Cohen. Sécurité! Sécurité! Laurent Lederer. Le speaker. Il pousse un cri de bête. Vincent Grasse. Bruitage. Élodie Fiat. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage. Jean-Louis Deloncle. Pierre Henry. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric Ossière.